bleus des nuées flottent gris les chênes, des forêts prochaines parmi les parmées. Corneille poussive, et vous la loup maigre, par ses bises aigres, quoi donc vous arrive. Dans l'interminable ennui de la plaine. La neige incertaine, lui comme du sable.